Tortoline et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Je t'imite. Tortoli, bien ou quoi? Arbatax, bien ou quoi? Eh ouais, ça va ma gueule, il est l'heure de Tortoli et Arbatax, 17h-18h, comme tous les mardis, ça se passe sur Radio Panique. Et puis ça fait plaisir, c'est le 105.4, je vous le rappelle. Voilà, c'est Radio Panique, c'est ouais. Donc une spéciale rien, puisque c'est puisque une spéciale tout. Tout finalement, rien, on vous a concocté le best-of du meilleur du... High level de la semaine. Comme d'habitude, un petit sommaire, une petite mise en bouche. Une petite mise en bouche, un générique plein de soleil, un petit peu de hip-hop normal. Je rappelle aussi que y a l'agenda culturel à la mi-émission, l'expression de la semaine, et puis le classique, un classique de classique. Hein, là, il y a pas de problème. La nouveauté un petit peu. Ah il y aura de la nouveauté, bien sûr. Mais oui. Ah oui. Il y a toujours un peu de nouveauté. Il y a de la nouveauté, mais je peux pas trop en dire plus. C'est musique du sud. Tu m'as l'air encore un petit peu à l'envers, toi. Non, ça va. J'ai bien récupéré de la semaine dernière. C'est ça. La semaine dernière était une émission Zlombrouder à l'envers. Je te l'ai dit à l'envers. En verlan. Voilà. Une mission en verlan. J'espère que vous avez kiffé, apparemment oui. c'est les retours que j'ai eu quoi. T'as kiffé? Oui. Oh. Ok, merci. Ça fait plaisir. Ne m'en dis pas plus, s'il te plaît. Arrêtez, c'est trop. Ça fait plaisir. Donc, le temps qu'on mette la cassette dans le poste, on va se mettre un petit générique. Ça vous rappelle quelque chose? C'est le remix. Ça s'appelle Elle est stylo tropical. Cette bonne vieille Corona. Coronita, comme on dit en Europe. La petite. Tortoli Rabatax. C'est fat. Voilà, c'était donc le générique, ça s'appelle Corona avec l'accent, et Estilo de Tropical. Ça fait plaisir. Tout bien. 1, 2. Ah, tu comptes les jongles, ok, très bien. Attends, parce que là je suis sur une petite session de jongle, avec une petite balle de papier c'est pas facile. 1, 2, merde. Je te comprends. Ouais. D'ailleurs ça enchaîne très bien avec le prochain titre. J'avoue que j'ai pas le talent de Ronaldinho. Ça c'est sûr. Ça s'appelle Barbatuques. Barbatuques, c'est des Brésiliens. Hop. Et voilà, ils font des. Épaules. Ils font tout de. Épaules. Avec leur corps, tout simplement. Claquement de doigts, cri, sifflement, tapotement de la cuisse, tout. Je sais voilà. Faire bien plus qu'eux. Hein. Enfin, je montrerai. Si cette musique vous dit quelque chose, vous l'avez peut-être déjà vu dans une annonce publicitaire. Comme un show. Jogo Bonito. Et voilà, le titre de cette chanson de Barbatuques, ça s'appelle Baião destemperado. Tudo bem, amigos? Yes, Ronaldinho. I have one advice, my friend. Never grow up. Never grow up. On s'écoute ça? On se rejoint juste après. Big up à Eric Cantona. Vous écoutez Tortoli Arbatak 105.4 Radio Panique. 1, 2, 3. Vous avez le droit de prendre votre ballon et de jongler. C'est parti. Tortoli et Arbatax, l'émission radio idéale pour passer l'aspirateur. Au boulot les feignasses. Ce morceau est un mashup. À toi de reconnaître tout ce qu'il y a dedans et on en reconnaît juste après. Girl, you're always on my mind, got my head up in the sky, and I'm never looking down, feeling priceless. Yeah, where we at, only few have known. We're on to next level, Super Mario. I hope this works out, cardio. Till then, let's fly, Geronimo. Here we go. To the other side. Hop on it. To the other side. Hop on it. To the other side. Hop on it. Break on through to the other side, yeah. The only one who could ever reach me was the son of a preacher, babe. the only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. These boots are made for walking, ooh, and that's just what they'll do. But I said, one of these days these boots are gonna walk all over you. Show me something. I'm tired of talking to him, knowing he's frontin'. Crying about life ain't nothing. But you either be the one macking, you trap, or the one hunting. Come on. Trapped in your own mind, waiting on the Lord. Yeah. A hunting with the word that cuts like a sword. The spoken word is stronger than the strongest man. Carries the whole world like the strongest man. Through the trials and tribulations, you never let us down, Jesus. I know you're here with us now, Jesus. I know you're still with us now. Keep it real with us now. I wanna feel, show me how, please. Take your hand, guide me. What? I walk slow, but stay right beside please me. Devil's trying to find please me, hide me. Hold up, I take that back. Protect me and give me the strength to fight back. Baby, aside. Elio. To the other side. Come on and Elio. To the other side. Come on and Elio. To the other side. Come on and break on through to the other side. Fight baby, aside. Let me know what's on your mind. Let me know what I'm gonna find. It's all in time. Show me how to teach the mind. Show me how to reach the blind. Lord, give me a sign. Show me what I got to do to bring me closer to you. Cause I'ma go through whatever you want me to. Just let me know what to do. Lord, give me a sign. The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only one who could ever teach me was the son of a preacher man. These boots are made for walking, ooh, and that's just what they'll do. Cause it was. One of these days these boots are gonna walk all over you. Tortoli Arbatax de retour à l'antenne, c'était un mashup. Vous le trouvez d'ailleurs sur le SoundCloud ou sur le site Mashup Germany. Oui, les Allemands font aussi des mashups. Ah, Mashup Germany. Oui, okay. Ils en ont fait beaucoup. Ah, je connais bien ce site. Hein. Oui, c'est intéressant. Oui. Et là, celui-là, il s'appelle Antiope to the Other Side. Vous avez vu tout ce qu'il y avait dedans? Dans le mashup? Moi, j'ai rien vu, j'ai juste entendu. J'ai entendu, il y avait un petit peu de Spice Girl, un peu de Wannabe, ouais, tout à Cathy Tunstall au début. Cathy, ah, exactement. Et the ouais, Black tu... Horse and the Cherry Tree. Yes, tout à fait. DMX, non, il y avait DMX, ouais. DMX. Attends, DMX, que je le retrouve, je l'avais noté celui-là. Ouais, Give Me a Sign, ouais, tout à fait. Très bien. Il y avait même, il y avait même The Doors, M.O.P. en T-Hop. Machin, le refrain. Ouais, bien sûr. Just Jack même. Très bien. Ah, il y en avait du. Je mettrai ça sur internet. Je mettrai tout ce qu'il y avait dedans. Il y en a une bonne grosse dizaine de morceaux. Ça va être l'heure de passer. Sinon, ça va toi? Ça va. Ouais, tranquille. Je me cache pour pas te voir. Allez, on passe à l'expression de la semaine. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. C'est Tortoli et Arbatax. C'est le retour des cowboys. C'est Radio Panique. Ah, enfin cette bonne vieille musique. Cette musique qui nous rappelle que c'est la chronique de l'expression de la semaine. C'est le retour des cowboys, les cowboys de la langue française. Les cowboys de la langue française qui viennent s'encanailler de quelques verbes et expressions. Made in France et made in francophonie. En parlant de cowboy, t'as vu que l'océan, n'importe quoi. L'été indien, là, t'as vu, c'est fini. Ouais. En parlant de cowboy. Merci. Non, bah, c'était une petite galéjade comme ça au passage, quoi. Très bien. Les cowboys, les indiens. Ah, c'était, tu voulais placer galéjade en fait. C'était pour ça. L'océan indien aussi, malheureusement, je l'ai placé. D'accord. Je voulais pas le placer celui-là. Et une série de mots que tu dois placer durant une heure. Il y a aussi armoire, vous verrez, j'essaierai. Voilà, mais tu peux essayer, framboise. J'essaierai bien. Allez, petit micro, vas-y. Petit micro, on rappelle les totos hein, de la semaine dernière. On peut rappeler, mais c'était des expressions à l'envers. Ben, plus ou moins, ouais. Puisque c'était une émission à l'envers. Il y avait au moins la tienne qui était à l'envers, hein, puisque ça s'appelait l'affaire à l'envers. Et j'avoue que le score qui va avec est un petit peu à l'envers. C'est vrai qu'on serait... C'est-à-dire, j'ai perdu pour une fois. Tu as moins de votes que si tu n'en avais pas eu. Hein, tu es en négatif. Tu es en négatif. Il va falloir m'expliquer cette non, phrase. Non. Il y avait l'affaire à l'envers, donc que tu défendais à pas à tort, mais à bien, je dirais, à bien, à point nommé, quoi. à la bonne heure, mais il y a eu donc deux voix, et puis moi j'avais Terminé Bonsoir. Issu de Dick Neck, et c'est vrai que ça, ça a emporté trois voix, donc une petite voix de plus. Bon, mais ça, c'est parce que c'est le sentiment patriotique belge et la renommée du film Dick Neck qui m'a aidé. Là, faut rendre à César ce qui est à César. Très bien. Et donc tu l'as emporté. Je l'ai placé. Oui, t'as vu ou pas? Oui, c'est bien. C'est bien. Tu auras tes points. Non, je préfère le faire maintenant parce qu'après j'aurais oublié. Donc voilà les scores de la semaine dernière. Merci à tous ceux qui ont voté. Hein, ça se passe sur Facebook, via SMS hein, pour ceux qui ont le numéro de Tortoli. Hein, elles sont nombreuses. Ouais. Qu'est-ce que tu veux. Construis pas une carrière sur une voix. Hein. Non, mais c'est la. C'est le physique aussi qui compte. Le bon physique homme. Et la communication surtout. Hein, la communication, bon marketing. Et voilà donc, et puis aussi sur le mail tortoli@gmail.com. T'as pas reçu de SMS toi? T'as pas reçu de SMS? Non. Moi j'ai Facebook mais j'ai pas de téléphone. C'est bon, c'est important. J'ai encore perdu ma voix ce week-end, moi j'ai encore un petit peu de mal. Bah oui, je l'avais croisé. Elle était sur un vélo. Oui. Connectez-vous à vos rêves. Gamin. Bon, de la cambre. Voilà, prends ça. Un fameux épisode cette semaine on se fait quoi? On se fait une petite expression. Allez, j'avoue un petit peu légère, je le dis d'avance, un petit peu légère. Ah, tu t'avoues déjà vaincu? Non. Alors t'es déjà dans ton cercueil, j'ai plus qu'à planter les clous. C'est ça. Très bien. C'est ça. Bah écoute, je suis déjà dedans, j'ai les bras en croix et je tente ces expressions, enfin ce petit truc où on rajoute un petit prénom pour ça rimer. Ça a pas l'air facile. Non, mais je te fais la théorie d'abord et je te montre la pratique après. Il nous endort. Tu dis quelque chose et juste à la fin tu mets un prénom qui rime avec le dernier mot que t'as dit. Là, pour l'instant tu vois pas ce que je veux dire. Mais ça a l'air génial. Un peu. Beaucoup. Un peu mon neveu. Ah, mais c'est pas un prénom, neveu? Non, c'est vrai. Bon. Mais il y a aussi à la tienne. Saint-Étienne. À la tienne, Étienne, bien sûr. Et il y a le fameux, tu m'étonnes. John. Long John. Voilà, Long John. Voilà. Ah, pas de marque. D'accord, très bien. Voilà, donc le tu m'étonnes John, par exemple. On peut valider celui-là, mais c'est en général. Là, ça peut être aussi. je sais pas. Non, mais si on n'a pas d'exemple, on en a pas. Hein. T'as pas un cric, Eric? Je sais pas, n'importe quoi. T'as l'air en cruc. Mais attends, parle pas trop près de ton micro, Coco. Nico. Nico. Très bien, merci. Voilà, tu vois, allez, tu m'étonnes, voilà, un peu sur la base du tu m'étonnes John, quoi. J'aimerais bien savoir la source de cette expression. Qui t'a soufflé ça? Ma petite sœur. Ouais, voilà, je sais, ça fait un petit peu. Oui, mais hein, les meilleures expressions sont dans les cours d'école. Ça, c'est. D'ailleurs, il y a la maîtresse qui a appelé et elle comprend pas pourquoi t'étais pas là cet après-midi. Ah, ouais, tiens. Pour être partout. Hein. Je lui glisserai un petit mot d'absence, il n'y a pas de souci. S'il te plaît. Alors vas-y, montre-moi ce que t'as toi. Ah bah moi c'est un peu plus développé en termes verbalistiques. Genre. L'expression que je défends cette semaine est le verbe s'encanailler. S'encanailler. Oui monsieur, c'est une expression pas assez usitée il me semble dans cette langue française. C'est vrai. Et parmi tous les francophones présents dans le monde entier, s'encanailler qui signifie fréquenter ou imiter des gens douteux. Alors voilà, j'en ai des exemples. Ah, j'aurais dit juste s'encanailler, voilà, s'embrouiller quoi. Toi j'aurais dit direct. Ah non. Mais ta définition est bien plus jolie. Ah c'est précis. Imiter. C'est imiter des gens douteux ou fréquenter des gens douteux. Donc si tu imites Nicolas Sarkozy, qui est quelqu'un d'assez douteux, tu t'encanailles ou tu l'encanailles lui? Tiens, je t'encanaille. Imiter des gens douteux, ça. J'ai encanaillé Monsieur Sarkozy. C'est le petit Robert qui t'a. Cette définition lui-même en présence. Imiter des gens douteux sans canailler. Bah elle est bonne celle-là. Très bien. Par exemple si je dis à la tienne Étienne, je me suis encanaillé. T'es en train de m'encanailler. Tu m'encanailles. D'accord. Voilà, ouais. Par exemple. Ça marche. Allez, je valide, c'est bon, c'est écrit. Tu valides? Ah, il valide. Encanaillé. Tu votes déjà pour moi? Y-E-R. T'es pas obligé de voter pour moi. Hein. Non, là je note, c'est pour le petit rappel ce soir sur notre blog Facebook. Un blog que tu as monté de toutes pièces. Voilà, j'ai eu un film sur moi aussi qui s'appelle The Social Network. C'est sur moi. Dommage, contre tu m'étonnes John. Sans canailler contre tu m'étonnes John ou enfin toutes ces expressions auxquelles tu peux ajouter un prénom. Voilà, à la fin. Mais là il faut j'en trouve d'autres. Là je cherche quelque chose avec Arbatax. Il y a des claques. Non, tu mérites des claques. Tu payes pas de taxes. Arbatax. Elle est bonne. Elle est bonne. Je te laisse le temps d'une chanson peut-être pour en trouver une. On va peut-être s'en refaire 2-3 morceaux histoire de, que l'imagination revienne. On valide ça, à voter. Facebook, machin, vous connaissez, pas de problème. On donnera les scores la semaine prochaine. Nos expressions de la semaine sont-elles validées? Oui. On repart sur 2 chansons. Sur le registre un petit peu. Rip-hop. Hip-hop, je le savais. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Il y aura 2 morceaux. Hein. Il y aura Bang On, c'est ça? Bang On. Il y aura exactement. Bang On, jeune homme anglais hein, de Liverpool, 20 ans. Un petit peu la bouille d'Aurel San, un petit peu le Aurel San anglais comme ça. Aurel San qui a sorti un album d'ailleurs récemment. Oui, justement. Mais alors moi je le trouve lui un petit peu mieux parce que. Aurel San, je comprends les paroles, et Bang On, je comprends pas trop. Alors je peux faire Bang On. Le morceau il s'appelle Got It, il est signé chez Ninja Tune. Le morceau date du début de l'été, là. Il a fait aussi son premier clip avec ça. Vous allez voir, il y a un flow un peu à la Foreign Beggars, enfin un peu grime, quoi, un peu anglais. Ça s'appelle Bang On. Et puis ce sera suivi par Dirty Hank, le morceau Umbrellas and Mac 10th. Et c'est un remix de Fall Side. Double hip hop. Check ça, baby. Tartoli, Arm Attack. Sur 105.4. Armoire. Framboise à la Germanie. Yeah, check it, yeah. Ah, tu l'avais pas celle-là. Yeah, I'm still hold up, sitting alone, ready to go nuts. Slaving over the hot stove, cooking up cold cuts. Yeah, so much for trying to keep out of trouble. Cause I'm bored. Listen now, get the beat, let's run, we'll kill that. Yeah, see the meats grinding and pulling pits. I'm not cause it's 3 pounds for the bits. That's what you never seen, I likes in your life. Plus, I owe you a 3 pounds, I don't know to never. So get your mitts right for your dead night. It ain't like you gotta land what the sh** cost. I sold me so far that I got ripped off. So if sh** goes off, nah, it's his loss. So trust me, you wouldn't like me when I'm angry. I don't sing green, but I frighten Ambi. Pambi, Bambi, yes, fear steps. Quite the little p- lads to think the bad. You can try it if you fancy, so. See, I got the saffron, I got the arc and the confidence. I got the catch pajamas and you're not getting on in them. Cause I don't know what it is, but I got it. I got the saffron, I got the arc and the confidence. I got the cat's pajamas and you're not getting on it. Cause I don't know what it is, but I got it. Think that I bullied the beef. When I put the face on, always warm with the hoodie underneath. So come and cut your teeth, these are test and times. Blood, sweat, your tears off and the next electrical appliance and all that. I can tell that your fingers sore lack. The grind hustle is the jack muscles. I'm the torch, yeah, but time into his quarters for a short nap. Hold the roll in a poor mag. Yeah, read between the lines, make like a beak at book whim, and you'll see in time. Really, I'm being chased by CGI life size with the beatiest thighs. So, sorry, but I think the to wrath of me. So it's less of a more sort and battery. See me walk casually through town on me black, but even Peter Andre Blasting in the show of solidarity. Yeah, kiddie, see, I got the saffron, I got the arc and the confidence. I got the cat's pajamas, and you're not getting on it. Cause I don't know what it is, but I got it. I got the saffron, I got the arc and the confidence. I got the cat's pajamas and you're not getting on it. Cause I don't know what it is, but I got it. See, I flow like a dead body, sting like no cauliflower ears. I define arms like blind forms, they got no idea how the f*** would do it. I was a coping fluid, thousands of units get found in me drunk and stupid. Surrounded by tons of students, I'll in the hull of balloon and sewage. This life really looks a bit mad. Took a bit on, said he owns 26 guys. A mishmash, a mismatch, kid is the live fast. Picking fatties with big racks to lick the black. Johnny Vegas in drag. Well, you'd imagine him to look like a some to spitty bin black. Got a bin bag slung over me shoulder. For every sin that I haven't yet atoned for. Same reason I got a f***ing hang over. And a bang in the back of the bowl of hats holding. Yeah, hit it. I got the saffron, I got the arc and the confidence. I got the cat's pajamas and you're not getting on it. Cause I don't know what it is, but I got it. Yeah, see, I got the saffron, I got the arc and the confidence. I got the cat's pajamas and you're not getting on it. Cause I don't know what it is, but I got it. C'est Tortoli et Arm Attack. Y'a pas de gangster dans les studios, y'a que des grandes gueules. Il manque une phrase en Hull, Hull, Hull. Oui. Yo, what up, hot? Yeah. Hope you mad because your album flopped. The Yanks about to have this lock when my album drops. Pig skins to lay your leg, I pee your vest. You think they at the play, ain't even be your deck. Shit, dirty Hank Gary. No, this is no hobby. Might fuck your ass up quick, but I don't body. Don't smoke daddies, I don't talk shoddies. I stick dick the stupid college bitches who got dope bodies. And if you're at the crib, son, they riding on top. I'm always deep inside the bush like I'm hiding from cops. And have to lie on the spot for body grab test. Rupee a glass of X to your mother's address. A pretty motherfucker, bitches say this kid's handsome. Dirty Hank, I'm in the house like a Chris Hansen. Even laid off and Bernie made off these hand scams. Just trying to fuck with me or anyone else in my hand fam. Captain Screw. Money, yeah, your raps are pushing. Cats acting bad, bad acting as your cushions. Henry with the beat smith. Drop a break on them. Only time they open up is when I operate on them. Bernard Minet, Jason Derulo, Marc Dutroux et Loana. Beau monde. Ils ont tous répondu oui à une interview exclusive sur Tortoli et Arbatax. Direct depuis New York City. Tes artistes préférés seront là en live. Rien que pour toi. Les plus grands DJ en set exclusif. C'est surtout du hit. Toi petit chat, toi petit chat, chat, chat, chapeau de paille. Hit. Petit poney, tu es tout gris, tout petit, petit poney, petit poney. Hit. Je me sens définitivement comme une bombe triste. Radio Panique, Radio Panique. Hit music only. L'agenda Q. L'agenda culturel. L'agenda culturel. Avec cette petite musique d'ambiance. Tranquille. Derrière. On en reparlera. C'est bien fait. C'est On va toujours parler comme ça. Tu m'étonnes, John. Ah oui, tu l'as bien replacé. T'as vu ? C'est bien ton expression de la semaine, oui. Et tu vas pas t'en canailler de tout ça, hein. C'était une expression de la semaine subliminale. J'essaie de les placer comme ça. J'ai lu un article comme quoi. Mais c'est surtout minable. C'est quand même subliminal, mais c'est surtout minable. Salaud. L'agenda Q, ça consiste à présenter 2-3 soirées qu'on aurait pu repérer et qui pourraient vous intéresser dans la semaine qui vient, à compter de ce mardi jusqu'à mardi prochain. Donc, prochain Alain. Ah non, il faut que je sois plus réactif. Plus réactif, plus réactif. Je suis sûr que je peux faire quelque chose avec cette expression. Plus réactif, oui. Mais ben, peut-être que tu veux l'aide de Guillemette. Qui est là? Et les gars, qu'est-ce qu'on fait ce soir juste après? Ah, tu l'as entendu? Oui, j'ai entendu. Voilà, elle nous demande ce qu'on fait ce soir. Qu'est-ce ce que tu soir fais? Non, qu'est-ce moi, je n'ai rien noté ce soir. Ah, n'a rien. N'a rien du tout. Moi non plus, on est quel jour? Mardi? Mardi, ouais. Ah, c'est le jour de l'émission. 17h, 18h. Radio Panique, Tortolière, Batax. Bah, ça, ce sera pour la semaine prochaine, ouais. Très bien. Et très les bien. Gars, qu'est-ce qu'on fait demain? Demain pour mercredi. Je ne peux pas t'aider, non. Il y a le Ziné Club qui d'habitude présente un film à la Rambert le premier mercredi du mois, mais ils ont déplacé à mercredi prochain. On en parlera la semaine prochaine. Ah bah on leur mettra surtout une bonne quenelle parce que moi j'avais bloqué mon mercredi. C'est clair. Merci à eux. Tant pis. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait jeudi? Jeudi, moi j'ai. Non, j'ai une réunion, c'est tout. Ah, d'accord, je te voyais genre, ouais, moi. Non, pas du tout. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait vendredi? Oh là là, il est magnifique. Pour commencer bien le week-end. Cet agenda culturel, ça trace. Ça trace. Vendredi, là, je suis sûr que t'as des choses. T'as pas. Oui, j'ai quelque chose. Tu te souviens du début de l'émission? Ouais, bah oui. Tu t'en souviens, oh là, ce temps, le temps d'attente. Non, mais je me souviens du début de l'émission. Tu te souviens? Ah bah je peux te le refaire. La première musique qu'on s'est écoutée. Oui, bien sûr. Juste après le générique, c'était. Juste après le générique, ouais. C'était les Barbatucs. Oui, c'est un. Les Barbatucs, voilà. Ça me rappelle un dessin animé. Aussi appelé les Barbatuques. Barbatuques. Voilà, c'est un groupe donc brésilien. Et il se produira, figure-toi, à Musique Publique, au Théâtre Molière, dans les galeries de la Porte de Namur, ce vendredi à 20h. Il vous en coûtera 8 euros si tu es membre de Musique Publique. Tu es membre? Non. Non, tu n'es pas membre. Eh bien, c'est 12 euros pour toi si tu vas en pré-vente. Est-ce que tu vas acheter ta place en pré-vente? Non. Eh ben, tu iras peut-être à la caisse non-membre et il t'en coûtera 14 euros. Ah, ils ont une caisse spéciale non-membre. Voilà, ça, tu les reconnaîtras. Ouais, c'est ça, ils font deux fils et voilà. Oui, c'est tous des petits et puis des roues. Voilà. C'est une caisse non-membre. Parfait pour moi. Voilà. Merci. Nickel pour toi. Donc voilà, Barbatuques, comme on l'a dit, c'est un sacré groupe brésilien et ça tape des... Ça tape. C'est le petit boum. Ouais, c'est ce qu'on. Le petit truc qu'on entendait au début là. Et en fait, pas c'est mal. Des mecs qui se retrouvent en tête d'affiche de la Coupe du Monde 2014 à venir et des JO 2016 à venir. Plus fort que le Brésil, plus fort que l'Espagne. Ouais, bah ils sont en même tête d'affiche de la Coupe du Monde quoi. En même temps. Ils font l'ouverture, ils font le spectacle d'ouverture quoi. Ouais, voilà le truc là. Disons avec leur bouche et tout, ça va pas être facile pour animer un stade. Il va falloir bien sonoriser le bordel. J'avoue que. Je sais pas où est-ce qu'ils vont mettre le micro, mais. Dans la bouche peut-être. Dans la bouche, direct. Ah, ils ont essayé de mettre des ballons. Non, des micros dans des ballons. Tu te rappelles de ça? Non. Pour qu'on entende mieux le bruit à la télé ou dans les stades. Et ça a marché? Non, mais finalement, je sais pas si ça a été validé cette idée. C'était que dans ta province, peut-être, cette idée. Voilà, c'est ça. Dans ma province. Dans ton BDE d'ingénieur. Vous aviez pensé à ça. Elle est belle. Est-ce que j'ai une tête d'ingénieur? C'est vrai, moyen. Moyen. Ouais, je te l'aurais. Donc on était sur le vendredi. Vendredi, au grand dame de mes parents. Dame. Déo. T'as peut-être quelque chose pour le vendredi, toi? Non plus. Ah non, t'avais rien. Ah bah aujourd'hui, toute cette semaine, je suis overbooké, donc taf, tu veux une clope. Je renchaîne sur le vendredi, puisque on a une annonce à faire. J'ai une annonce à faire. Ceci est un message de la rédaction. Oui, effectivement, nous avons été sommés, un petit peu même forcés, quoi, hein, je vais le redire même deux fois, je pense. Angel and the Hidden Tracks, voilà, ils feront une session à 18h sur Radio Panique dans le jardin public de vendredi. Angel and the Hidden Tracks, un groupe qui se produira également le soir même à Woluwe Saint-Lambert, au lieu dit l'antichambre. Est-ce que je le répète pour comme ça je serais bien sommé quoi? Bah ouais, non mais je pense que. Alors voilà, c'est Angel and the Hidden Tracks, ils font une session à 18h sur Radio Panique dans Jardin Public, le soir même, à Woluwe Saint-Lambert. Bien vu, ils font un concert à l'antichambre. Voilà. Voilà. Donc voilà. Deux fois, c'est bien. Hein. Ouais, je pense que ça va. Là, on a fait le job. Tu iras chercher ton chèque à la compta après. Hein. Toi, je pense que tu vises une place au comité d'administration de la radio, non? Dis-moi. Tu serais pas en train de me faire une quenelle dans le dos là. C'est pas ça. J'ai plus d'appart en fait. Donc s'il y a moyen de squatter les studios, voilà. Chez le président de la radio. Non, là, même pas non, dans les studios, tranquille, entre deux micros, je serais bien. Hein. Ouais. Apparemment, il y a que des grandes gueules dans les studios. Alors tu trouveras ta place, je pense. Ah merci, très bien. Nickel. On passe au samedi. Ouais, bien sûr. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait samedi en mode Saturday Night Fever? Ah, samedi, non. Il est full. Je vois tes grands gestes, c'est full. Full là, bactérie. Je crois que tu es sur une soirée strictly nice. Je l'aurais dit presque pas. Hein. Ouais, hein, du côté de la Bodega. Ah, devant la Bodega. Rue de Birmingham. Ouais, c'est ça. Molenbeek. T'as les price? Allez, c'est de mémo comme ça. Mémo. C'est quoi, 8 euros, non, la soirée? 5, 6, 7, 8, 10. Allez, on va tous les faire. Là, c'est pas mal, c'est 5 euros avant minuit, 5, et 10 euros après minuit. Voilà. Voilà, c'est à la Bodega et c'est à partir de 22h. Tu as quelque chose d'autre peut-être le samedi? Samedi non, mais toi t'as peut-être quelque chose. Oui, j'ai... Dis-moi que toi t'étais bien rempli. Moi j'ai la soirée Gelatina, ça coûte 10 euros, c'est à Madame Moustache. Et la soirée Gelatina, ils invitent Hydro. Renese, c'est des Espagnols, c'est pour ça que je le dis un peu comme ça. Ouais. En français, je te l'aurais dit hydrogenèse. Ah bah voilà. Oui, oui. Hydrogenèse. Ouais. Et voilà, il y aura une série de DJ juste derrière. Et c'est à Madame Moustache et c'est 10 euros. Je sais pas si tu vois. Non, là, je vais avec la lumière dans la tronche. Ah, je te mets la lumière dans la tronche. Ah, voilà. Ça m'éblouit là. Samedi, tu as peut-être quelque chose d'autre. Non. Je sais que tu. Il n'a rien. Bah si, j'ai quelque chose moi aussi. J'ai encore quelque chose. Samedi matin, tu vas te réveiller tôt puisque c'est la Coupe du Monde de rugby. Et tu pourras regarder ton match favori que tu attends depuis 3 semaines environ, à savoir Angleterre-France. Passons au dimanche. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait samedi en mode Saturday Night Fever? T'as vu, j'ai un professeur, c'était William Lémergie, il m'a tout appris, faire les lancements. Franchement, tac, passons tout de suite. Non. Ah ouais, non, Charlie et Lulu à côté, c'est que dalle. William Lémergie, il est tout là-haut. De toute façon, ils ont pas trop duré, Charlie et Lulu. Bon, ils ont quand même fait des tubes, hein. Ça passe en boucle. Oui, c'est vrai. Charlie, ça n'a pas fonctionné. Non, dimanche, peut-être as-tu quelque chose, de croise les doigts pour que tu aies quelque chose, parce que là, ça serait... Oui, eh oui, quelque chose, c'est incroyable. Ouais, je découvre quelque chose, là, voilà. Oh, ça viendrait de ça. C'est ça. C'est la musique comme ça. Nickel, bah voilà. Tu fais bien d'augmenter la musique. Non seulement ça relance un peu l'audimat, et en plus, ça peut annoncer que Us Three, les auteurs du morceau que vous entendez en ce moment... Qui doit être le Cantaloupe, je pense. Bien vu. Et là, c'est lequel celui-là? C'est le Two Cayutes Redeem. Bien vu. Des morceaux, voilà, qu'on avait déjà passé au cours de cette émission, au cours de l'année. Et ben donc c'est un groupe anglais, Us Three, londonien même, qui officiait au début des années 90. Ah. Et puis alors voilà, ça part un peu de beats hip-hop et avec des flows hip-hop, hein, qu'on n'entend pas sur ces morceaux. Hip-hop. Mais c'est aussi plein bourré d'influences jazz, drum and bass, jungle, etc. Enfin tout ce qui cartonnait au début des années 90 dans la sphère underground londonienne. Et Ah pardon, Us Three. C'est sorti tout seul. Je l'avais au fond de ma gorge. Pardon. Salaud. Us Three sera dimanche. Us Three, voilà, US3, hein, Us Three. Voilà, ce sera dimanche au VK, donc ils sont de retour, hein, je dirais 20 ans après leur début. Ils sont de retour, je sais pas s'ils étaient partis, mais enfin pour moi ils sont de retour. Je dis peut-être des bêtises, ah, mais... Ils sont partis. Voilà, il t'en coûtera 17 ou 20 euros. Pareil, hein, la caisse des rouquins, la caisse des membres. Hein, on vous rappelle toujours deux. Il y a deux fils. Deux fils, toujours. Bien distinct, vous ne dépassez pas les barrières, c'est important. Et donc, 19h30, hein, par contre, le dimanche. Hein, on fait ça assez tôt parce que les gens sont souvent un petit peu cramés. On va écourter le barbecue alors. Voilà. Ah oui, voilà. Ouais, tout, c'est sûr. Donc, je répète, un dimanche au VK, 19h30, Us Three. Us Three. Très bien. C'est voilà. Us Three, la fin de la... Us Three, like a river. Je te sens bien libre. Je te sens tellement libre que t'as envie de t'écouter une petite chanson. Une petite nouveauté sûrement. Est-ce qu'on partirait sur un petit peu du côté de l'Afrique comme ça, hein? Ah, on peut partir du côté de l'African Revolution, le nouvel album de Tiken Jah Fakoly. Oh oui, Tiken Jah Fakoly, un Ivoirien de la côte... D'Ivoire. Bien vu. Ouais. Et voilà, il nous sort un nouvel album 4 ans après son dernier album. Cet album s'appelle African Revolution. Et là, le titre, c'est Il faut se lever. J'ai écouté l'album avec toi. Tu te souviens, on avait pris un bain, on était tranquille. Ah ouais, c'est vrai, c'était cool. Tout ça. On l'a écouté en entier. Ça l'a fait. C'est vrai, c'est franchement, bien. Il y a des bonnes critiques sur cet album. Ouais, si j'avais une critique à émettre, Je dirais que c'est bon. D'accord. Voilà, point à la ligne. Mais on reste comme sur les bonnes bases de Chicken Jah, je crois. Un peu, plus, un peu moins reggae, mais un peu plus africano. D'accord. Voilà, j'ai dit africano, j'aurais pu dire africain. C'est pareil. C'est pareil. Et voilà, et là le titre s'appelle Il faut se lever. Donc vas-y, tu peux te lever. Je suis déjà debout. Ah, t'es déjà debout. Ah, excuse. D'accord, je pensais. Non, non, je suis dans la file des petits et des rouquins, tu te rappelles ? Chicken Jah Fakoly, le titre Il faut se lever. Vous écoutez Tortoli et Herbatax. 105.4. Change l'Afrique à notre place. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. Il était une fois un continent pris en otage qui se demande pourquoi il ne peut pas sortir de sa cage. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. On cherche le bonheur dans les cartes. On cherche mais on ne le trouve pas. Pourquoi faut-il toujours qu'on parte alors que l'Eldorado est là? On veut voler de nos propres ailes. C'était le rêve de nos aïeux. Elle est pas si loin l'étincelle. Il suffit qu'on ouvre les yeux. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever. L'Afrique à notre place. Je dis personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. N'ayons pas peur de l'ouvrage, et tout reprendra zéro. N'ayons pas peur, tournons la page pour construire un monde nouveau. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. Il faut se lever. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Ding de godom de ding de dom de dom de ding de ding de dom de dom de dom de dom de dom de ding de godom de ding de dom de dom de ding de ding de dom de dom de dom de dom de dom de dom de dom de dom de dom de dom de dom de dom de dom de. Ça te dit quelque chose, ça ? Bah carrément. C'est un gros gros tube qui tourne, qui tourne en tout cas dans ma région. Hein. Vous êtes Roots. Sur une île super. Roots reggae ma gueule. Breaking news. Oh là là là là là là, breaking news. L'info vient de tomber. L'info vient de tomber. On parle de cet artiste justement là, Christiana, hein, avec son hymne à la Jamaïque, à Bob Marley, hein, qui s'appelle Respect. Respect. Voilà. Hein, je te fais le signe du point comme ça pour que tu check. Comme le clip. Le clip qui est d'ailleurs. Ah, j'ai pas de mots. Je me demande s'il n'a pas été censuré tellement il est un peu hard. Si j'avais des mots, je manquais un aïra de cette dame, mais non. On revient quand même au scandale. Hein, parce voilà, que, revenons au scandale. Mais, donc ce titre hein, qui existe depuis, allez, je dirais. Soit 20 ans, soit 6 mois, je ne sais pas trop, mais entre les deux. C'est intemporel. C'est intemporel. C'est intemporel. Hein, même Christiana, on ne sait pas trop. Elle, c'est pareil, elle est un peu intemporelle, hein, vu sa c'est ganache. On peut dire que vous avez déjà, malgré vous, entendu un remix de ça, et c'est très très mal ce qui s'est passé cet été. Non, voilà. c'est pas du tout. On est dans... Non, mais Arbatax, non, je comprends, t'as des illusions, je comprends ton courroux. J'ai l'arme à l'œil. je la vois. Non, ça me... Christiana, apparemment, se serait fait pomper. Mais largement. Pomper sa chanson. Il y a des grosses maisons de disques, et je ne citerai pas de nom, mais il y a du monde qui s'est fait du pognon là-dessus cet été, en sortant un tube de l'été, complètement pompé là-dessus. Complètement. Hein, et je pense que vous avez deviné duquel il s'agissait. Rihanna. On a entendu pas. Rihanna, je le dis, j'ai pas peur. J'ai pas peur, je le dis, c'est Rihanna et toute sa clique. Pompée, quoi. C'est pompé, quoi. Plagiat, quoi. Scandale dans le... Non, je le dis, quoi. Hein, on se souviendra, tout est parti de Saint-Josse. My mind, I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as voilà, qui l'aurait cru, un peu de Rihanna sur Radio Panique. Ouais, comment il s'appelle ce morceau de Rihanna? Il s'appelle Man Down. Man Down, voilà. Man Down, voilà. Et donc c'était le tube de l'été, moi j'ai été outré. J'étais outré. Tout est pompé, le rythme. Bon, quelque peu modifié, mais pompé à mort. Ça, c'est le rythme original qu'on entend derrière, voilà, bien de sûr, Christiana. Bien sûr, c'est l'original, Il est... Oh, le courroux, là, le courroux dans ta tête, c'est incroyable. Les paroles, les lyrics de Rihanna, bon, vous comprenez pas trop l'anglais, c'est pas votre faute. Hein, tout n'est pas de votre faute. Mais c'est largement pompé sur les paroles originellement francophones de Christiana. Le pire, la cerise sur le ghetto. C'est ça, quoi. Au-delà de ça, Rihanna... Le nom, Rihanna, Christiana... Dans Christiana, il y a Rihanna, quoi. Voilà. Et donc même Rihanna, donc il y a zéro sur toute la ligne. Ça, personne n'en parle. Heureusement qu'on était là pour faire un petit breaking news là-dessus. Tu m'étonnes, voilà. John. Ouais. Bien sûr. Il est dégoûté. Donc, je pense qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure. Donc voilà, si Rihanna, par hasard, tu nous écoutes, c'est mal. C'est très mal ce que t'as fait. Ouais, c'est très très mal. Arbatax, c'est en plein voilà. Je suis boubou là. Je suis en train de le perdre. Mais je propose que là, c'était un petit peu la boulette qui fait déborder le blaze. Excuse-moi là, c'est ça... hein, en Jamaïque, c'est ce qu'on dit. Exactement. Ouais. On va s'écouter quand même le petit Christiana Respect parce voilà. que. Respect à Christiana. Allez, on profite. Hein. Radio Panique, Radio Alternative. On va relancer les choses. Ça s'appelle Respect, Christiana, tu peux aller voir le clip. Hein. Enregistré dans son jardin. Caché dans les bambous, tu vas voir. Vous êtes sur une île superbe. M'amuse la quitter en lévitation. Puis il faut voir la voix aussi. Elle revisitera votre paradis sans superbe. La danse du bambou comme ça, elle ne lâche jamais le bambou, vous allez voir. Entourée d'amis qui partagent mes le passions. Elle tient le bambou, tu voulais la faire. Hein. Ouais, je voulais la faire. Bon, on écoute. Sur les traces de Bob Marley. Avant de venir sur son île nostalgique. Revoir son English pour faire le salut mythique. Aux Jamaïcains qui nous aiment bien, respect. Charme de tes plages sauvages. Je pense au bonheur, faudra bien qu'un jour tu y goûtes. Au Jamaïca, je te souhaite du courage. Les crocodiles me toisent, les torrents me chahutent. Vos bons guides m'évitent des chutes. Entre les remous turquoises. Dansons le reggae sur les traces de Bob Marley. Avant de venir sur son île nostalgique. Revoir son English pour faire le salut mythique. Aux Jamaïcains que l'on aime bien, respect. Dansons le reggae sur les traces de Bob Marley. un petit verre de rhum et c'est la béatitude. Sans nous empêcher de songer à vos inquiétudes et de vous saluer, les Jamaïcains, respect. Respect. Comme je vais dire, Tortoli et Arbatax n'est pas, je vais dire, du métier, il n'y a pas de diplôme, je vais dire, ça peut, je vais dire, étonner plus d'un, mais je vais dire, moi, on s'aime, et bon, ben, je vais dire, sur place, je vais dire, je pouvais rien faire de mieux que d'entendre Tortoli et Arbatax et de poser le même acte technique. Radio Panique, 105.4. Je vais dire, donc il n'y a aucun danger, je vais dire, pour la personne. Et voilà. Exactement. Et voilà, je valide le diagnostic, hein, le diagnostic du docteur. Je veux dire. C'est vrai que Tortoli et Arbatax n'ont pas de diplôme. Christiana, qui vient nous chanter l'hymne reggae, elle respect. Elle en a. Elle a probablement des diplômes, mais pas dans le reggae. Bon. Par contre, Rihanna, ça. Rihanna, elle en a peut-être pas, elle. Voilà, hein, donc. Et entre nous, entre le physique de Rihanna et de Christiana, c'est vite choisi. T'inquiète pas, okay. Christiana, quoi. Si tu nous écoutes d'ailleurs, Christiana, pas de soucis. Pas de soucis, hein, parce que franchement, on a besoin de toi. Oh là là, mais Christiana, fantastique. Fantastique. Voilà. Bon, on finit ce coup de gueule. Hein, voilà. Il est 17h50 et des poussières. Hein, vu que Tortue la Bataille, c'est une émission à écouter en passant l'aspirateur. Voilà. Je rappelle, hein, poussière. Très bien. Oui, c'est un peu confiné. Ah, tu t'encanailles un peu de mes jingles, j'ai l'impression. Oui, non, mais j'aime bien, j'adore. Ah, ça me fait plaisir que tu t'encanailles. 17h50 et des poussières, ce qui veut dire qu'on approche de la fin de l'émission, hein, malheureusement, mais on va se rejoindre la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, on rappelle qu'il faut voter pour l'expression de la semaine. Cette semaine, c'est Tu m'étonnes, John, ou toute autre expression avec un prénom qui rime. Contre sans canailler, voilà. Voilà, hein, donc n'hésitez pas à aller sur le Facebook, à écouter ça, à faire partager à vos amigos. Tu partages pas, il n'y a pas de souci, hein, tu fais ta vie, nous on fait la nôtre. Il y a des morceaux. Voilà. Non. Ah, c'est un coup de gueule aussi. Non, mais. Émission coup de gueule. Toi, tu veux t'en canailler, toi. toi, je te sens. C'est possible. Attends, et les votes de la semaine prochaine seront annoncés en grande pompe. La semaine prochaine. J'ai dit les votes de la semaine prochaine. En grande pompe, c'est. Tu viens déjà de lâcher ton expression. Non, pas du tout. En grande pompe. Donc les résultats de l'expression de cette semaine seront annoncés la semaine prochaine dans une émission fort chargée en électronique. Puisque, allez, c'est la première fois qu'on le fait, exclusivité. Allez. La semaine prochaine, le teaser, ouais, de malade. Ouais, c'est clair. Non, la semaine prochaine, il y a quoi? Il y a du brand new Birdie Nam Nam, hein, qui est sorti en septembre. Ouais. Qui nous offre des nouveaux morceaux, donc on s'en passera un forcément. Il nous les offre, on les pique. Subtrack, hein, Subtrack, un petit peu l'événement du moment. Hein, Subtrack, c'est vrai que là, il va être mixé, remixé, etc. C'est Subtrack, on en parlera. Et puis un petit français aussi qui fait sa place dans le Mondkoff. Voilà, dans le monde de l'électro. Dans le monde de l'électro. Mondkoff. Ah, ok. Il s'appelle Mondkoff, ouais, voilà. Exactement. Mais voilà, tout ça, on se mettra tout ça la semaine prochaine. Bah, ah non, dis en pas attendant, trop. Il nous reste quand même le classique. Hein. Aujourd'hui, nous sommes début octobre 2011. Mais qu'est-ce qu'il y avait il y a à peu près 20 ans, en 91? Il y avait la sortie de l'album qui a lancé le grunge, la mode grunge. C'était Nevermind, sorti fin septembre 91, l'album de Nirvana. Second album de Nirvana après leur premier album, Manque 89, qui s'appelait Bleach, mais qui n'avait pas si bien marché que ça. Enfin, non, c'était encore un petit peu fouillis. C'était, moi, je me souviens bien de l'époque. c'était, voilà, c'était comme dans ta gorge, c'était un peu le... C'est un peu le bordel. C'est un peu le nénel. Et alors que Nevermind, hein, cet album avec le bébé qui essaie de choper un billet là, ouais, hein, dans une piscine. D'ailleurs, c'est un visuel qui a été vachement repris, notamment par False lors de son dernier album, leur dernier album, Total, ouais, Life Forever. Enfin voilà, ça a été repris, cette pochette, par une moult et maint tout à fait groupe. Tout à fait. Loana aussi, elle a repris un dans la piscine. C'est elle. C'était pas le billet. Pas un billet. C'était pas un billet. C'était pas un billet. Ok. C'était pas un billet. Donc ce second album, hein, qui a fait connaître, voilà, la scène grunge, Seattle, le punk en général, quoi, hein, le punk rock, on va dire. Ah là, t'y vas fort. Ah, je veux peut-être que bon. Bon, on va sûrement avoir des critiques. On va quand même se mettre ça en classique, un petit Nirvana. On a choisi quoi? Je sais pas, c'est un classique. J'ai tapé Nirvana et on va voir ce qui arrive, quoi. Voilà. It smells like a teen spirit. Ah, peut-être. Ouais, je crois bien. Je te dis la semaine prochaine et voilà. Ça marche. Juste ça après marche. Nous, c'est Djibouti. Et là, c'est un petit classique, Nirvana. À la semaine prochaine. C'est ça Nirvana, non? Exact, c'est Nirvana, mais je crois, Tortoni, que tu confonds un petit peu hein, dans ta base de données. Je crois que tu t'es trompé de Nirvana là. T'as été peut-être un petit peu trop vite, comme Senna. Ah, pardon, excuse-moi. Ah, voilà. On s'en passe peu dans l'émission, faut en profiter. À la semaine prochaine, Tortoni Arbatax, 17h-18h sur Radio Panique 105.4 FM. Stay tuned! À la semaine prochaine! We'll be right back.